Bonjour, bonsoir. Suite à ma dernière vidéo, il y a une dame, en tout cas j'ai l'impression que c'est une dame, c'est peut-être un monsieur, qui m'a écrit, le divin aurait, ici conditionnel, aurait utilisé la géométrie pour créer notre univers, alors pourquoi ne pas s'y intéresser? C'est comme une question, point d'interrogation, comme si j'avais proposer de ne pas s'y intéresser. Dans ma compréhension, il y a des étapes à franchir, notamment celle de la spiritualité en rouen et l'ésotérisme en rouen, la géométrie sacrée, et pour s'apercevoir effectivement de qu'est-ce qui est réel ou pas. Chacun ne peut avancer qu'à son rythme. Bon, moi je parle au niveau du supramental, c'est-à-dire que ce n'est pas un cheminement. Par rapport à moi, je considère que la spiritualité et l'ésotérisme ne sont pas des étapes nécessaires et que plus ça va aller chez certains, moins ce sera nécessaire. Alors pourquoi ne pas s'y intéresser? Je n'ai jamais dit de ne pas s'intéresser à la géométrie, mais il ne faut pas non plus la spiritualiser au sens où je l'entends. C'est-à-dire que depuis toujours, depuis très longtemps, l'énergie de l'être humain sur Terre a été détournée au niveau de la forme par de la fascination, de la mesmérisation, de la magnétisation par la forme, ce qui a abouti à des sciences spiritualisées, c'est-à-dire qui n'ont pas une effectivité réellement pratique au niveau de l'évolution. Donc, moi, à mes yeux, il y a là, au niveau de la forme, un détournement de l'énergie. Et qui est donc certaines forces dont l'astral utilise pour manipuler l'être humain sur Terre, le fasciner. Donc, c'est de ça dont je parle. La forme, la géométrie sacrée, par exemple, a toujours été voilée au sens où des groupes initiatiques, des collectifs se sont servis de la forme, du symbole, c'est-à-dire une forme dans laquelle on met de l'énergie, qui enferme de l'énergie ou qui exprime des lois énergétiques, pour fasciner les individus et créer de l'élitisme. Au sens, par exemple, si on prend les vieilles, il y a en ce moment des groupuscules qui imitent les vieilles religions à mystère, au sens où il s'agit de groupes et qui font des initiations et ainsi de suite. Et ça, à mes yeux, c'est plus que désuet. C'est plus que désuet. Et vient et présente déjà une race mentale qui n'aura pas besoin de passer ni par la spiritualité ni par l'ésotérisme et qui comprendra en voyant immédiatement d'une façon instantanée. Immédiate, c'est-à-dire sans médiation de la forme et qui n'aura pas besoin de ces étapes-là. C'est ça le supramental. Nous n'aurons plus besoin au niveau d'une évolution pour entrer en contact avec l'énergie de la source, d'intermédiaires au niveau structurel, social, tels que l'ésotérisme, les traditions et la géométrie sacrée. Pourquoi? Parce que l'intelligence deviendra une grâce au sens ancien du terme. L'affaire, le divin aurait utilisé la géométrie pour créer notre univers. Notre univers est une densification cristalline de l'énergie, c'est-à-dire que ça suit des lois. C'est entre autres ce que nous appelons le systémique. Donc, le divin n'utilise pas des lois pour diffuser l'énergie dans la densité, la lumière dans les ténèbres. Le divin suit ses propres lois qui sont inévitables au niveau d'une densification, d'une cristallisation. Donc, il n'est pas question d'utilisation au sens linéaire intellectuel comme nous l'entendons, au sens de la façon dont l'être humain coordonne l'énergie en pensant qu'il la pense, au niveau de son intellect. C'est de ça dont je parle. Je n'ai jamais dit de ne pas s'intéresser à la géométrie. S'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à la géométrie, qui a passé des milliers d'heures à faire de la géométrie, c'est bien moi. Malheureusement, dans nos écoles, par exemple au Québec, nous sommes tellement arriérés et nous prenons tellement les enfants pour des imbéciles que pour leur faire faire un triangle équilatéral, plus souvent qu'autrement, nous leur demandons d'utiliser un rapporteur d'angle alors que c'est inutile. Pour faire, par exemple, un hexagone, nous leur demandons d'utiliser un rapporteur d'angle alors que c'est inutile. Alors que s'ils pouvaient voir justement au niveau de comment systémiquement les choses se forment, ils verraient par eux-mêmes que nous n'avons pas besoin de rapporteur d'angle. J'ai appris à compter et à écrire par moi-même tout seul et il en va de même pour la géométrie. Et il a de plus en plus présent une race mentale qui sera son propre professeur et qui sera autodidacte dans un sens qui dépasse l'entendement habituel. Et c'est sur ces gens-là que je compte et que j'aimais tout mon espoir qu'il n'en est même pas un. Une certitude. Bonne soirée.